il vous demande de quoi ? De rendre le mubtada au féminin. C'est-à-dire, si on a un mubtada masculin pluriel, on le rendra comment ? Au féminin ? Féminin pluriel. Alors, antum, son pluriel, c'est quoi au féminin ? Antunna. Antunna. Vous avez compris ? Tout le monde a compris ça, Abdullah ? Alors, qu'est-ce qu'on dira ? Antunna talibatun. Vous avez compris ça ? Abdelkarim. C'est compris, la saber ? Taïb. Bismillah, ya Wahbi. Antum mudarrisuna. Au féminin ? Antunna mudarrisuna. Mudarrisuna. Au féminin. Mudarrisat. Mudarrisat. Non. Antum mudarrisatun. C'est rien, c'est rien. C'est rien, les frères. Jette la pousse là avec la main directe. C'est un scarabée, c'est rien, ça. Très bien. Antum tabibatun. Non, antunna tabibatun. Antum ikhwatu hamidin. Antuna. Antunna. Il y a une chède dans les frères, à la fin. Antunna. Antunna. Akhawatu. Akhawatuna. Non, pas akhawatuna. Il n'y a pas akhawatuna. Akhawatu. Akhawatu. Hamidin. Hamidin. Hamidin. Hamidin. Hamidin. Non, mudaf, mudafile. Les sœurs de Hamid. Antum muslimuna. Antunna muslimatun. نعم أأنتم أعمام محمود أأنتمنا أعمام محمود أتنى جنتم بارو أأنتمنا أعمام لا فوراً غو فمينا لفخار لفخار سي فو بلاي رياضي depuis tout à l'heure ça parle ça bouge et je crois que je suis fatigué والله lui qui arrive en retard normalement il doit se faire distraire c'est vrai lui qui arrive en retard il faut pas le frère Mohamed depuis tout à l'heure il est là tu restes dans le coin et t'attends. Vas-y. Antunna. Antunna, c'est du féminin. Taïb, tu peux pas dire. C'est comme si tu es en train de dire à nous Antunna ou Antum muslimatun. Ça se dit ça ? Pourquoi ça se dit pas ? Ah voilà. Et ben là, tu es en train de dire quoi ? Antunna, A'mam. A'mam, c'est le pluriel de quoi ? Comment ? Ouais, le pluriel de l'oncle. A'am. Alors, tu peux pas dire Antunna, oncle. Il faut nous mettre le pluriel de oncle au féminin. Ammat Mahmoudin. Pour ça, les frères, apprenez le vocabulaire. Allah ybarik fikoum. Antum abna'u al-mudir. Antunna banat. Banatum. Pas banatun. Banatu. Banatu. Al-mudiri. Al-mudiri, naam. Antum aba'u al-tullabi. Antunna. Très bien. Ummahatu at-tullabi. Hein? Le dernier mot, il n'est pas obligé d'être changé. Hein? Ça peut être le père des élèves et la mère des, et les mamans des élèves. Taïb, inshallah. Grand 3. Hawil al-dhamir fi kulli min al-jumal al-atiya kama wa muwaddah fi al-mithal. Hein? Il te demande de changer. Hawala shay, c'est-à-dire quoi? Hawala, c'est-à-dire changer. Hein? Hawala shay. Ça veut dire changer un mot. Par exemple, je peux dire également. حاول من هذا المكان يا محمد c'est-à-dire quoi change de cette place là طيب الضمير on a dit c'était pronom في كل من الجمل الآتية c'est-à-dire dans toutes les phrases qui suivent كما هو موضح في المثال comme il est classifié dans l'exemple أين بيتكم يا إخوان طيب أين الضمير هنا qui va répondre تفضل نعم بيتكم طيب c'est-à-dire là on parle à un groupe de frères أين بيتكن يا أخوات vous avez compris inshallah بارك الله فيك طيب أين أخوكم يا إخوان عندك مهدي أين إخوكن يا أخوات répète bien à voix haute أين أخوكن qu'est-ce qu'il a demandé t'as compris l'exercice mahdi ouais mettre féminin hein féminin qu'est-ce qu'il faut mettre au féminin le mot ou le damir damir et pourquoi t'as changé le frère أين أخوكن votre frère au féminin. Tu laisses le mot akh. Tayeb, aina akhukunna ya akhawat. T'as compris? Barakallahu fik.